La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est sur 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Dans le cadre de notre visite au Saguenay, j'ai rencontré Éric Bégin, qui est le grand responsable du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour parler des inscriptions et de la prochaine saison de baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on écoute cette entrevue. On est actuellement à la conférence de Mark Griffin, et avec moi, j'ai le responsable du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Éric Bégin. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Danny. Éric, d'abord, c'est toi qui as invité Mark Griffin. C'était quoi le but, évidemment? C'était vu qu'il avait sorti un livre, c'était tout ça, un petit peu? Bien, je te dirais que le but, c'est de faire la promotion du baseball au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis quand on est allé à la commission provinciale des présidents le mois dernier, Marc donnait des livres aux présidents d'associations de région. Puis on en a profité. C'est Billy qui a eu l'idée. Il dit, Éric, on l'invite dessus. Je disais, ah ouais, on s'essaye. On est allé le voir. Puis écoute, il a saisi l'occasion avec un oui immédiat. Puis c'est nous autres qui avons choisi la date. Marc a embarqué dans le projet dès le départ. L'activité, en fait, sert à quoi? Est-ce que ça sert à parler de baseball? Est-ce que ça... Marc va parler ce soir un petit peu de... C'est d'encourager les jeunes. C'est quoi ça sert, en fait? Bien, c'est sûr que Marc vient lancer, suite au lancement de son livre, un message de... Je dirais pas d'espoir, mais de son parcours, donner un petit peu... Qu'est-ce qu'un jeune, mettons, peut faire? Mais c'est surtout nous pour donner au baseball régional, puis faire des profits également pour investir dans notre équipe PIWI2A, dans les tournois moustiques et le tournoi Atom Bantam de Saint-Honoré. OK. Comment ça va actuellement, le baseball? 2019, comment ça va? Présentement, l'année passée, on avait 920 inscriptions. Présentement, on est à 900, puis il reste encore beaucoup d'inscriptions à rentrer. Fait qu'on s'enligne vers une augmentation d'environ 975 jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On approche le 1000, qui était notre objectif il y a 4 ans. Oh, donc c'est vraiment bon. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est vraiment le retour des expos possibles, les Blue Jays ont eu un buzz, ou encore le sport, c'est, n'importe quel sport, c'est cyclique. On a connu le fond du baril avec la fin des expos, puis là, maintenant, ça remonte. Bien, moi, je pense qu'on suit quand même la tendance provinciale au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une augmentation de 5, 6, 7 %. Mais le travail acharné des bénévoles dans les 5 associations, pour moi, je pense que c'est le numéro 1. Les gens s'inscrivent au baseball, mais reviennent au baseball, restent au baseball. Puis après ça, c'est sûr qu'on a eu Russell Martin avec les Blue Jays. Les Blue Jays qui ont participé aux séries il y a 2 ans, ainsi de suite. Tout ça fait en sorte que oui, présentement, puis le retour des expos également. OK. Si on parlait un peu de l'Haut-du-Lac, ce qui s'en vient fort, le deck hockey. Est-ce qu'au Saguenay, c'est un petit peu, vous vivez un petit peu la même affaire? Est-ce que ça devient une compétition pour le baseball et le soccer aussi? Je te dirais que le deck hockey n'est pas trop en compétition présentement avec le baseball parce qu'on est capable de jumeler, de faire les deux. Le deck hockey, pour une courte période, il y a quelques joueurs qui vont manquer quelques parties, sauf que c'est plus le soccer, je te dirais, qui est en compétition, mais avec le baseball, comparativement peut-être au Haut-du-Lac, où est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher des gens pour créer une équipe, peut-être, ou même s'associer avec l'association d'Alma. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons dans les prochaines années pour le baseball? Est-ce que... Moi, je me rappelle d'une ligue régionale. Il y a déjà eu une ligue régionale de baseball. Est-ce que ça, c'est possible, éventuellement, de revoir ça? Bien, présentement, on Ligue junior régionale. Oui, la Ligue junior, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Okay. Sauf que, regarde, l'année passée, on avait 2 équipes midget. Cette année, on en a 5. Okay. Okay? Donc, si on regarde le taux d'inscription au niveau moustique PIWI, on peut croire que dans 3 à 4 ans, que si on garde notre monde, on serait capable de développer notre première Ligue junior depuis bien des années. Ça fait longtemps que ça... La première Ligue junior régionale, quand est-ce que ça a été né? C'est acquitté. De mémoire, je ne me rappelle pas, mais il y a 10 ans, il y a eu une équipe étoile de regroupement de joueurs juniors pour jouer dans la Ligue senior. Okay. On parle de il y a 10 ans. Okay. Fait, de mémoire, là, on parle d'une dizaine d'années qu'on n'a pas eu du junior au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le partenariat avec les voyageurs de Jonquière, ça se passe bien? Oui, ça va bien. Okay. Le Bantam 2A a été confié encore cette année à l'organisation des voyageurs qui va gérer le Bantam 2A. L'entente est très bonne, la communication est bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. OK. Je te parle du Haut-du-Lac. On est basé dans le Haut-du-Lac. Il y a du baseball, il y en a très, très peu. Il y a une équipe à Normandin qui joue pour le plaisir, Saint-Félicien également. Dolbeau, on a tenté de lancer le baseball. Est-ce qu'il y a du travail de fait du côté de l'association régionale pour essayer au moins de pousser un peu pour avoir du baseball dans le Haut-du-Lac? On a mandaté l'association d'Alma, le baseball okay. mineur d'Alma, pour prendre contact. Souvent, on entend parler que oui, il y a une petite ligue dans le haut du lac, là, il y a une équipe là, mais rien de concret. Le baseball okay. mineur d'Alma a été contacté pour essayer d'attirer ces jeunes-là, du moins de venir faire un essai, se comparer puis de rentrer avec le baseball mineur d'Alma. Mais je te dirais que présentement, j'ai pas de nom officiel ou de personne à qui j'ai parlé. OK, donc les jeunes normandais qui tentent désespérément de trouver de l'aide, vous n'avez pas eu des discussions? Non, sauf que mon numéro de téléphone est disponible, bon. Mon horaire est ouvert, puis je suis prêt à monter, à aller rencontrer ces gens-là. On attend juste de trouver, je pense, la bonne personne pour pouvoir donner un coup de pouce là-dessus. OK. Ben, Éric Bégin, félicitations pour la soirée de ce soir. Bravo, puis au plaisir de se parler. Merci, Denis. Le responsable régional du baseball, Éric Bégin.